1900, Vivonimana est à la cabine technique au micro. Vous êtes avec Vestine Boutoui. Bonjour mesdames, messieurs, auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les grands titres. Les directeurs généraux doivent résoudre le problème lié à la distribution de l'engrais fourmis dans un délai d'une semaine, comme il ordonne le ministre en charge de l'agriculture ce lundi dans une réunion à l'intention de ses directeurs. Et la majorité des femmes et filles travaillant dans des pays du Golfe arabe proviennent des trois provinces, dont Rumonge, comme le montre le rapport produit en 2021 par l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, Où est ton frère? Et la chronique sport de ce lundi parlait de la différence entre le terrain à gazon artificiel et le terrain à gazon naturel. Et voilà pour l'essentiel. La radio de l'avenir. Rebonjour, les cultivateurs de la plaine de Limbo se lamentent de la faible production. Ils disent qu'ils ne vont rien récolter pour la saison culturelle B suite au manque d'eau pour irriguer leur culture. Ils demandent au gouvernement d'organiser des projets d'irrigation à grande échelle afin de bien cultiver pendant la saison sèche. À la Société régionale de développement de la plaine de Limbo, SRDI en sigle, on reconnaît un déficit d'eau pendant toutes les saisons sèches dans la plaine et les experts disent que l'irrigation au niveau de tout le pays couvre un taux de 2 à 4%. Les détails avec Space Caritas Kawanyan. Des habitants de la plaine de Limbo qui ont cultivé des patates douces, des aubergines, du poivron, du soja et autres s'inquiètent des récoltes et disent qu'ils n'ont pas eu suffisamment d'eau pour l'irrigation de leurs champs pendant cette saison sèche. Certains disent qu'ils se sont même arrangés et ont creusé de grands fossés à l'intérieur des champs pour utiliser l'eau de la nappe phréatique, mais en petite quantité et n'ont donc pas pu irriguer toutes les superficies comme ils le disent. Ces cultivateurs demandent à l'État de préparer et d'organiser de grands projets d'irrigation à grande échelle afin de permettre à ceux qui veulent, cultiver pendant la saison sèche de le faire et de bien récolter. Au niveau de la Société régionale de développement de la plaine de Limbo, SRDI, on reconnaît que l'eau d'irrigation est toujours déficitaire pendant la saison sèche, mais qu'on essaie de la répartir équitablement dans les superficies cultivées. C'est au moment où les experts dans le domaine de l'agriculture disent que l'irrigation au Burundi est encore à l'état embryonnaire, seulement un taux de 2 à 4% dans tout le pays. Spécialitas Kawanyana, Rwanda, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. La différence entre le terrain à gazon artificiel et le terrain à gazon naturel est que le premier reste propre pendant la saison sèche et pluvieuse, alors que le second devient sec s'il n'est pas bien entretenu en saison sèche. Explication d'un expert en entretien des terrains à gazon artificiel. Charles-Henri Magalité précise que le terrain artificiel facilite le déroulement du jeu. Il était avec Marie-Claire Cazeneza. La structure de base d'un terrain à gazon artificiel est composée de deux couches, à savoir la couche de stabilisation et la couche portante. Explication de Charles-Henri Magalité, expert en entretien des terrains à gazon artificiel. Concernant la structure de base, le gazon artificiel est posé sur une structure de base ayant une inclinaison de 1%. Ceci, c'est pour faciliter non seulement le drainage vertical et horizontal, mais aussi la planéité. La structure de base est faite de deux couches, à savoir la couche de stabilisation, qui est un mélange de gravier et du sable, et la couche portante, c'est la couche bitumée. Cette structure doit subir un test de solidité pendant le chantier, avant la pose de solidité. Il ajoute que le terrain à gazon artificiel reste propre, que ce soit dans la saison sèche ou pluvieuse. Les avantages, c'est le gazon artificiel est toujours vert. Qu'il pleuve, qu'il neige, il reste et restera vert. Deuxième avantage, il permet aux joueurs de jouer à la fois de manière dynamique et sûre. Parce que c'est un terrain régulier, bien plat et irrégulier. Il permet aussi un jeu rapide et précis qui donne des chances égales aux bons techniciens et aux joueurs athlétiques. Il permet une utilisation intensive du terrain et de l'installation. L'autre avantage, c'est que ces qualités ne sont pas affectées par le mauvais temps. C'est-à-dire que ce qu'il pleuve, Tineige et le gazon synthétique garde et gardera ses qualités. Selon cet expert, le terrain à gazon synthétique nécessite un entretien régulier. Il nécessite un entretien régulier, mais moins cher par rapport au gazon naturel. Dans la prochaine chronique sportive, Charles-Denis Magalité expliquera les inconvénients que présentent ces terrains à gazon artificiel. Il est 13h passé d'une minute au studio de la radio Isanganiro. Le journal est continu. Plus de 400 femmes et filles burundaises se sont installées dans les pays du Golfe arabe en 2021 suite à la recherche de l'emploi. Cela ressort du rapport publié en cette même année par l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale. Au NLCT, où est ton frère? Selon Maître Prime Mbarouke, président de cet observatoire, ce rapport montre que la majorité de ces femmes et filles proviennent des provinces de Rumonge, Makamba et Muyinga. Les détails avec Omer Andouayo, mais cet élément sonore n'est pas encore disponible. On y reviendra après. Un délai d'une semaine est donné à tous les directeurs généraux pour résoudre le problème lié à la distribution de l'engrais FOMI, ordre du ministre ayant chargé l'agriculture et lors de la présentation du sur terrain par rapport à la distribution de l'engrais FOMI ce jeudi. On l'écoute. Nous avons trouvé que, heureusement, les statistiques du FOMI, les statistiques du ministère telles que présentées par les BPAI se rapprochent. Et au niveau des fertilisants Imbura et les fertilisants FOMI Bagara, et toutes les provinces du pays ont été servies. Donc les centrales de fertilisants se trouvent bel et bien dans les stocks des PPAI au niveau des provinces en quantité suffisante, même il y a eu partout des surplus. Et pour les fertilisants FOMI et Totaza, il y avait au début seules quatre provinces, Kayanza, Bubanza, Chibitoke, Bujumbura, qui avaient un déficit de livraison de ces intras Totaza. Mais après cette réunion, nous avons trouvé que la province de Kayanza était totalement servi en fertilisant Totaza. Et il ne reste que 3000 tonnes pour les provinces de Bubanza, Chibitoki et Bujumbura. L'usine FOMI a promis que tout sera clôturé avec cette semaine prochaine, y compris même les fertilisants qui concernent les bons, les vouchers. Compte tenu de ces résultats, et que nous remarquons que la population est à l'œuvre, mais que tous les stocks sont garnis au niveau des provinces et qu'il reste un problème de distribution, nous avons pris une décision pour que le personnel du ministère qui est concerné en premier rang disponibilise leurs véhicules, se répartissent dans les différentes provinces et pour qu'en collaboration avec l'administration, on puisse distribuer les engrais qui sont stockés dans les province et pour que d'ici vendredi, il n'y ait plus de plaintes au niveau de l'acquisition des engrais au sein de la population. Je vous disais que plus de 400 femmes et filles burundaises se sont installées dans les pays du Golfe arabe en 2021 suite à la recherche de l'emploi. Cela ressort du rapport publié en cette même année par l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONL. C'était où est ton frère? Selon Maître Prime Mbarouke, qui est président de cet observatoire, ce rapport montre que la majorité de ces femmes et filles proviennent des provinces Rumonge, Makamba et Muyinga, Omer Andouay. Vingt femmes originaires des quartiers Kanyenkoko, centre urbain Nkayamba, Gihwanya et Rukinga de la commune Rumonge, seraient parties l'année passée vers les pays arabes tels que l'Arabie Saoudite, Oman, Koweït, Qatar et d'autres, comme le témoignent certains des élus des 10 quartiers. Parmi ces 7, l'une s'est installée en Afrique du Sud, d'autres sont allées en Arabie Saoudite et d'autres en Oman. Les effectifs des femmes mariées sont limités. À Rukinga, 4 femmes et filles sont allées dans les pays arabes. et sont revenus. Au centre urbain, nous comptons 11 et à Guanya, il y en a 3. Selon Maître Prime Mbarubukeye, président de l'Observatoire national de lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, où est ton frère, plus de 400 femmes et filles burundaises se sont installées dans ces pays à la quête du travail. Plus de 414 filles et femmes sont tombées entre les mailles du filet du trafic à destination surtout des pays du Golfe Arabe, notamment l'Oman, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, etc. Presque la majorité de toutes ces victimes ont subi vraiment des abus de tous les calibres, notamment le trafic sexuel, le trafic de ce qu'on appelle les quatre organes nobles, très convoités dans ces pays de destination, notamment les reins, les poumons, les cœurs et les foies. Ce sont des organes qui sont très chers et qui sont vraiment très convoités dans ces pays et que donc ces victimes, s'ils ne font pas attention, elles peuvent être à tout moment victimes de ce trafic d'organes. Les statistiques en rapport avec les départs sont difficiles à constituer, explique Jérémy Bizimana, administrateur de la commune Rumonge, car dit-il, la plupart passent par les voies illégales. La plupart d'entre elles vont sans document de voyage. Nous les conseillons de passer dans les voies légales pour que, de leur arrivée dans ces pays, ils exercent leurs activités sans problème. Le rapport de l'ONLCT montre que les provinces frontalières avec la Tanzanie et la RDC, à savoir Rumonge, Mairie de Bujumbura, Makamba et Muyinga, sont les plus touchées par ces départs vers les pays arabes. Merci. Omer Ndouayoué, plus de 50 kg de minerai de type coltan saisi à la colline Kivu, en commune Kabarole de la province Kayanza la nuit de ce dimanche, quand ce produit allait être commercialisé frauduleusement au Rwanda, pays voisin. Les informations fournies par la police à Kabarole disent que ces minerais étaient cachés par trois femmes en dessous de leurs vêtements. Les mêmes informations précisent que le produit saisi a été donné à l'administration communale de Kabarole. Quatre personnes, et dont ces trois femmes, un homme accusé de possession de ces minerais, sont entre les mains de la police et pour question d'enquête judiciaire depuis la nuit de ce dimanche. Et en actualité internationale, le Kenya Raila Odinga a déposé un recours en ligne devant la Cour suprême, mais comme nous le trouvons sur le site de la Radio France Internationale. Raila Odinga, arrivé deuxième de l'élection présidentielle kenyane du 9 août, selon les résultats prononcés par le président de la commission électorale, Wafula Chebukati, a déposé en ligne un recours devant la Cour suprême contestant les résultats annoncés lundi, un de ses avocats à l'Agence française de presse. Le recours leur a déjà été envoyé. La copie physique doit arriver avant 14h, 11h GMT, déclare Daniel Maanzo, un des membres de l'équipe juridique de Raila Odinga, arrivé deuxième du scrutin derrière le vice-président sortant William Ruto avec un faible écart de voix. Et au Singapour, le Singapour va abroger la loi interdisant les relations sexuelles entre hommes. Selon le site de la Radio France Internationale, le premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, a annoncé dimanche le 21 août de cette année que son gouvernement allait prochainement abroger une loi datant de l'époque coloniale et criminalisant les relations sexuelles entre hommes. Le gouvernement va abroger la loi décriminalisant les relations sexuelles entre hommes et le ministre croit que c'est une bonne chose à faire et quelque chose que la plupart des Singapouriens accepteront désormais. C'était lors d'un discours où il a précisé qu'il continuerait à défendre le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme. Et voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée de ce lundi. Mais permettez-moi de vous rappeler les principaux titres. Les directeurs généraux doivent résoudre le problème lié à la distribution de l'engrais FOMI dans un délai d'une semaine, comme l'ordonne le ministre en charge de l'agriculture ce lundi lors d'une réunion à l'intention de ses directeurs. Et la majorité des femmes et filles travaillant dans les pays du Golfe arabe proviennent des trois provinces, dont Rumonge, comme le montre le rapport produit en 2021 par l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT. Où est ton frère? La chronique sport de ce lundi a parlé de la différence entre le terrain à gazon artificiel et le terrain à gazon naturel. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Innocent Bibonimana pour la parfaite collaboration. Vestine Boutou, j'étais à la présentation. Au revoir, passez un bon après-midi. Sangani no. Actualité régionale. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit. Bienvenue à l'écoute de cette revue de presse régionale. En République démocratique du Congo, la société civile du territoire d'Oruchuru, Nord Kivu, ont demandé ce dimanche 21 août à l'armée de tout faire pour bouter dehors les rebelles du M23 afin que les habitants ayant fui les hostilités regagnent leur village évacué à leurs occupations. Cette structure a lancé ce message au gouverneur militaire du Nord Kivu, lieutenant général Constant Dima, au cours de sa visite à Rutshuru, écrit le journal Okapi. Dans les colonnes du quotidien Mwananchi, le chef du district de Nyamagana, dans la région de Mwanza, Amina Makilagi, a mis en garde les personnes qui perturberont l'exercice de recensement de la population et des logements qui est prévu ce 23 août 2022, car cela est un crime comme tout autre crime. Cependant, le gouvernement n'hésitera pas à intenter une action en justice contre elle. Makilagi a lancé cet avertissement le 20 août 2022 lors de l'ouverture d'un séminaire de formation sur la rédaction d'informations de suivi du recensement à l'intention des journalistes. Toujours en Tanzanie, en encourageant l'utilisation du gaz de cuisine, le ministre de l'Énergie, Januari Makamba, a indiqué que le gouvernement est en train de finaliser la procédure pour permettre aux clients de l'acheter à bas prix en fonction de ses besoins. À l'heure actuelle, le ministre a déclaré que de nombreux citoyens ne peuvent pas l'acheter en raison des coûts élevés qui existent, de sorte que le processus de réduction de ceci touche à sa fin afin de révolutionner la question, lit-on dans le journal tanzanien. La technologie qui permet à une personne d'acheter du gaz pour 500 shillings et 1000 shillings existe. Au bout d'un moment, nous la porterons au marché afin que les gens commencent à acheter du gaz comme ils achètent une boîte de charbon de bois ou un fagot de bois de chauffage, a déclaré Makamba. Actualité régionale. La coalition Azimio La Umoja, dirigée par Raila Odinga, devrait déposer la pétition dimanche, mais elle a été déposée ce lundi lorsque le délai fixé s'effondre. Après le dépôt, Azimio devra signifier les répondants dans un délai d'un jour, qui disposeront alors de 4 jours pour déposer leurs réponses. Selon le journal Kenyan The Star, l'affaire sera alors entendue et tranchée d'ici le 4 septembre 2022. L'affaire, selon des initiés d'Azimio, s'articulera autour d'allégations de chiffres gonflés, d'une participation électorale anormale dans les bastions kényans de Kwanza et de transferts illégaux d'électeurs. Un banc de 7 juges décidera de la pétition électorale d'Azimio. Il écoutera Azimio, Ruto et la commission électorale décidera de la voie à suivre pour décider qui est le président légitime du Kenya. Et pour boucler cette revue de la presse régionale, le quotidien ougandais The Monitor écrit que la police de West Nile enquête sur la mort de 14 personnes après avoir prétendument pris City 5, un gin local puissant produit par les distillateurs de City 5 dans la division Aivu de la ville d'Arua. Le décès a débuté vendredi jusqu'à dimanche matin, alors que plusieurs autres victimes sont toujours hospitalisées. Selon la police ougandaise, poursuit The Monitor, 7 des décès sont survenus dans les banlieues de Mvara et Oluko de la ville d'Arua et 7 autres sont morts dans le district de Madi et Okolo. Ainsi s'achève cette revue de la presse régionale. Elle vous a été présentée par Marie-Claire Kadzeneza et Moïse Misago. Au revoir. Actualité régionale.